On va commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, on te prend un moment tout de suite pour te louer, pour Carole qui nous partage son désir de faire connaître l'Évangile. Et on te prie, toi, parce qu'on sait que c'est toi qui convertis, c'est toi qui sauves, c'est toi qui agis dans la vie des gens. Donc, chacun de nous, on a pu parler avec des gens peut-être cette semaine, que ton esprit puisse agir avec les vérités qui ont été dites, Seigneur. Et pour nous, cet après-midi, on te demande que tu puisses nous diriger dans cette partie de ta parole, où est-ce que tu vas nous parler encore une fois de toi. Tu es toujours en train de nous parler de toi. Tu as juste un sujet que tu aimes, c'est toi-même, c'est ta personne, c'est ton fils Jésus, c'est ton plan. Et Seigneur, fais qu'on puisse nous autres aussi être amoureux de cela, de toi, non pas des choses autour, mais de toi, de ce que tu es en train de faire, afin que le monde sache qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Seigneur, et qu'il y a aussi un Sauveur pour ce monde dans lequel nous vivons. Donc, que ton esprit agisse dans chacun de nos cœurs, et qu'on puisse repartir d'ici fortifié, encouragé par la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Je vais faire lire le chapitre 3 au complet. Ça va nous remettre un petit peu dans le contexte de ce troisième chapitre. Le premier chapitre, l'apôtre Paul a dit à Timothée, « N'aie pas honte du témoignage à rendre au Seigneur Jésus-Christ et de moi son prisonnier. » Dans le deuxième chapitre, il dit, fortifie-toi, si tu veux réussir à ne pas avoir honte, fortifie-toi. Et si tu te fortifies, le troisième chapitre, tu vas demeurer dans ce que je t'ai enseigné. Donc, on voit le résultat. Je me fortifie, je demeure. Je ne me fortifie pas, je ne demeure pas. C'est une équation qui est là. Donc, automatiquement, dans les moments où on a des décisions à prendre, si on ne s'est pas fortifié, bien, on est moins capable de réagir. Donc, automatiquement, ici, dans le troisième chapitre, il dit à Timothée de demeure dans ce que tu as appris. Et j'écoutais Don Carson cette semaine qui prêchait dans une université. C'était un peu le même sujet. Il n'était pas dans 2 Timothée 3, mais il faisait un peu le même sujet. Demeurer, c'est le combat de l'Église. C'est le combat de l'Église de demeurer dans la vérité. Et disons, on est assez intelligent pour voir l'histoire de l'Église. L'Église n'a pas toujours réussi à demeurer dans. Donc, on va écouter ce chapitre-là. On a vu la semaine passée la première partie de ceux qui n'ont pas demeuré. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de ceux qui ont demeuré dans l'Évangile reçu. Deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit à l'Église: aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Il aurait pu dire ça à Timothée, ce qu'on lit ici dans l'Épître. On se posait la question l'autre jour: est-ce que c'est les souffrances qui ont rendu Timothée timide de la peur de la souffrance? Mais dans l'Épître aux Éphésiens, il leur dit que mes souffrances, pas les portes des siennes, que mes souffrances ne soient pas pour vous un sujet de découragement, là. Comprenez bien qu'ils sont là pour votre gloire. Parce que si je n'accepte pas les souffrances, vous n'auriez pas entendu l'Évangile. Puis il l'a répété dans la deuxième épître: j'accepte toutes choses pour les élus, afin qu'eux aussi entendent l'Évangile. Donc si la peur ou la souffrance me fait retenir les paroles, les gens qui ont besoin d'entendre n'entendent pas. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains aussi. Comment vont-ils croire s'ils n'entendent pas? C'est automatique. Même les élus ne peuvent pas croire sans entendre. Ça fait partie de la game. Puis Dieu a décidé qu'ils entendraient à travers nous, à travers l'Église. Ils ne vont pas entendre à travers les anges, ils ne vont pas entendre à travers les arbres, ils ne vont pas comprendre l'Évangile en regardant les montagnes, ils ne vont pas entendre l'Évangile en regardant les animaux. C'est les hommes et les femmes, son peuple, il a décidé, Dieu, dans sa souveraineté, c'est le moyen que je vais prendre pour que les élus entendent et se convertissent. C'est le moyen que j'ai pris. Et pour moi, j'ai dit, on pourrait dire, si on ne connaîtrait pas bien Dieu, on dirait, tu prends un gros risque. Tu prends un gros risque à compter sur nous. Mais il dit, je vais vous accompagner là-dedans. Je vais vous accompagner pour que vous soyez capable de le faire. Je vais vous équiper pour que vous soyez capable de le faire. Mais en faisant ainsi, il reçoit la gloire en faisant ça. Il reçoit la gloire. Les anges sont assez clairvoyants pour savoir que ce n'est pas l'Église, que c'est le Dieu de l'Église qui fait la différence. Donc, ils glorifient Dieu de voir l'Église agir par la puissance de Dieu, bien entendu. Donc, et Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, il dit, il voit la souffrance qu'il subit pour l'Évangile, je parle toujours pour l'Évangile, il dit, je le vois comme je deviens non pas juste participant dans la mort de Jésus-Christ, non pas juste participant dans sa résurrection, mais je participe aussi à ses souffrances, parce que je souffre avec lui. Il nous l'a dit la semaine passée, celui qui souffre avec moi va régner avec moi. Donc, c'est Paul, il dit, je suis content de souffrir avec lui et pour lui, parce que je vais régner avec lui plus tard. Je ne fais pas ça pour régner. Je ne fais pas ça pour régner. Je fais ça parce que je l'aime et qu'il m'a sauvé. Mais ça va m'emmener à régner un jour avec lui, dans une évolution, une nouvelle terre. Donc, c'est que la souffrance qui, humainement parlant, chacun de nous, nous avons tendance à s'éloigner de la souffrance. Je dirais que c'est humain. Je dirais que c'est humain de vouloir s'éloigner de la souffrance, autant physique qu'émotionnelle, que psychologique, n'importe quoi. On a tendance à... Parce que la souffrance, des fois, on ne la voit pas avec le but. On a tendance à la faire parce qu'on ne voit pas le but. Qu'est-ce que ça va me donner de supporter cette souffrance-là? Quand on comprend le but, la souffrance devient un peu plus acceptable. Vincent dit, j'ai une opération dans mon cataracte. Il y a une souffrance d'impliquer, ça fait mal, mais je vois le but, je vais voir mieux. Ah, j'accepte la souffrance. Hein? J'accepte cette souffrance-là parce que je vois le but de la souffrance. Et c'est un peu pareil avec Paul. Je vois la souffrance, je vois bien. J'aimerais bien m'en soustraire si je pourrais, mais je vois le but. Je sais pourquoi c'est là. Donc, je l'accepte ouvertement, librement, volontairement. J'accepte la souffrance. Là, je parle toujours de la souffrance pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, pas d'autres sortes de souffrances dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, puis ça nous aide à comprendre pourquoi Timothée hésite un peu, parce qu'il le dit déjà à deux reprises, « Souffre avec moi, souffre avec moi. » Puis il va en reparler aujourd'hui, encore une fois, « Souffre avec moi. » Donc, il y a une décision de la part du croyant de faire face, nous j'appelle ça, d'embrasser la souffrance ou de dire ça fait partie de mon lot pour le Seigneur Jésus-Christ, ça fait partie de ce que Jésus-Christ m'a appelé à vivre. Dans notre texte la semaine passée, quand il parle des hommes méchants, il décrit les deux mille ans. Là, on a vu dans les derniers jours, on a vu que c'était les 2000 ans. Si ça, c'est les hommes dans les deux derniers mille ans, c'était les hommes des 2000 ans avant aussi, là. Ça n'a pas changé. Les êtres humains, c'est des êtres humains. S'il est décrit comme ça, ce n'est pas parce qu'ils deviennent pires. Hein. C'est parce que quand ces hommes-là se détournent de la vérité ou abandonnent la vérité ou sont réprouvés quand à la fois, leur nature ressort. Et ça devient difficile dans l'Église. Parce que là, ils ne sont plus conduits par ce qui fait la puissance de l'Évangile, ils sont conduits par la chair. Et les gens conduits par la chair, dans l'Église ou en dehors de l'Église, c'est la même chose. Mais ça peut être encore plus difficile pour le chrétien qui côtoie à l'intérieur de l'Église. Oui, parce que... C'est un frère depuis longtemps, c'est un ami, des fois c'est dur de confronter... Oui, c'est ça. C'est plus permanent, si je prends un exemple, c'est plus permanent des difficultés relationnelles dans la famille qu'avec les voisins. Parce que dans la famille, je suis là 24 heures par jour. C'est pas pareil, là. Donc, ça devient pas mal plus irritant si ça fait mal. Ça fait mal 24 heures par jour. Le voisin, je le vois moins souvent. Donc, dans l'Église, pareil, je vis une vie corporelle, une vie relationnelle avec un corps. S'il y a des difficultés à l'intérieur, c'est plus souffrant, je dirais. C'est plus difficile à supporter ou à régler, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, ces hommes-là qui se sont détournés, on l'a vu ensemble, sont devenus réprouvés, tant qu'à la foi, il dit bien, sont réprouvés en ce qui concerne la foi, pas en tous les domaines de leur vie, mais en ce qui concerne la foi. Si vous avez vu sur Messenger cette semaine, Claire posait la question, ça veut dire quoi réprouver? Et Claire, dans sa tête, le réprouver, c'était pour les non-élus. Elle, toutes les réprouvées, c'était des non-élus. Ben, je dis, c'est pas ça que le texte parle. Là, j'ai expliqué, elle dit, ah, OK, je n'avais pas saisi. Quand elle disait les réprouvés, elle disait, ah, ça, c'est les gens qui étaient non élus. C'est pas ça que le texte nous dit. Il parle de gens qui ont fait profession de foi et que maintenant, leur foi ne passe plus le test, ne passe plus l'épreuve. Et ils sont réprouvés tant qu'à la foi. Donc, c'est pareil comme vous prendriez un morceau de métal, puis vous l'essayez, puis il est fort. Puis 50 ans après, vous l'essayez, puis il casse. Il ne passe plus le test. Il a pourri, il a rouillé, il a pris des intempéries, et là, il casse, il ne fait plus le test. Il ne peut pas revenir en arrière. Est-ce qu'un réprouvé, lui, peut refaire marche arrière? Oui. C'est pour ça qu'il dit revenez à source, revenez. Oui, il va en parler un peu plus loin. Il va dire reprends, censure, exhorte, afin qu'il se repente et se dégage des pièces du diable. Donc, Timothée, Paul ne dit pas à Timothée, il n'y a plus d'espoir, mais là, tout dehors, va-t'en. Mais s'ils ne veulent pas, on a vu qu'il dit « Éloigne-toi okay, ». Mais le problème qu'il y avait là, c'est que Timothée ne faisait plus un job. Il ne faisait plus le reprendre, la censure, l'exhortation. Donc, les gens restaient dans l'Église. Maintenant, il dit « Faut que tu le fasses. » Et s'ils ne veulent pas, il va falloir que tu t'éloignes de ces hommes-là parce qu'ils vont finir par t'influencer. Ils vont finir par influencer l'Église. On a vu ensemble qu'il dit « Ils se sont égarés et ils égarent les gens. » Donc, ils se sont égarés eux-mêmes. Donc, finalement, mais ceux qui les suivent s'égarent aussi. C'est le principe que Jésus a dit. C'est des aveugles qui suivent un aveugle. C'est un principe de base à ce moment-là. Quand tu parles, François, de l'apparence de la piété, si si tu côtoies quelqu'un qui fait beaucoup de choses, puis calomniateur, contre Dieu, tout ça, c'est plus une apparence de piété, si c'est contre Dieu, c'est, ou qu'elle prend forme l'apparence. Bien, le texte, est, si tu le lis au complet, le verset tu cites, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient. Ça fait la force. Ça, tu le vois moins. Ça, on ne le voit pas. C'est ça, tu le vois moins. Mais on voit l'autre part. On serait censé le voir, le côté blasphémateur ingrat. Ça, on le verrait. Oui, si tu suis, si tu comprends bien leur doctrine, tu vas voir où ça sort. Okay? Donc, c'est parce que la plupart du temps, on ne s'intéresse pas assez sur quel contenu doctrinal ils ont, ces frères et sœurs-là. On les accepte comme frères et sœurs sans trop discuter de doctrine. Fait qu'on, si on en parle, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils ne croient plus à l'enfer, mettons. Hop! Ça ne paraissait pas qu'ils ne croyaient pas à l'enfer. Mais c'est en les côtoyant que ça ressort. Comme il a dit, bien, ils disent que la résurrection est déjà arrivée. Mais il faut que je parle de ça avec eux autres à un moment donné pour savoir qu'ils ne croient plus à la résurrection. Mais tant que je n'en ai pas parlé, si je parle de bowling, mais ça, je ne le saurai jamais, là. Okay? Donc, c'est dans nos discussions entre nous, théologiquement parlant, qu'on peut voir. Je dis théologique, c'est un grand mot, mais quand on parle de la foi, on parle de Dieu, on parle de nos vies chrétiennes, là, on peut voir que, hop, où est-ce que tu étais chercher ça, toi? Où est-ce que tu étais chercher ça, que Dieu, tout d'un coup, permet pas ça, puis Dieu ne veut pas ça, puis que Dieu fait ça? Ça devient ça, cette histoire-là. Donc, plus on va se parler entre nous de la foi qu'on a, plus on va pouvoir discerner qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre croit. Et si on ne parle pas entre nous de la foi, ben, on peut s'entendre comme n'importe quel païen peut s'entendre. On peut s'entendre, mais on va être relié par un exercice, par un sport, par une activité quelconque, mais ce n'est pas la théologie ou l'étude de Dieu qui nous réunit. Donc, c'est pour ça que quand on se parle entre nous, ben, on s'encourage à parler au moins de temps en temps de la foi, de ce qu'on croit, de ce qu'on ne croit pas. Bon, c'est parce qu'ils ont eu. Je sais que pourquoi Guétin vient mettre des éléments ici à ce temps. Les mouches en viennent vers moi. Non, c'est pas grave, là. Donc, automatiquement, l'apôtre Paul, maintenant, qui a parlé de ces hommes méchants qui apprennent, mais qui ne comprennent jamais, qui finalement, tant qu'ils vont rester dans cette attitude, ce qu'on a pu, un entendement corrompu, ben, ils feront pas de plus grands progrès, ils n'avanceront pas. Puis on va voir comment, on va en parler un petit peu aujourd'hui pour nous, personnellement, chacun de nous, ou en tant qu'Église, ou aussi pour ceux qui ont besoin, comme ces hommes-là, ces femmes-là. Il y a juste un instrument que nous avons. On a juste un instrument. Si vous avez regardé sur Facebook ce matin, j'ai mis un passage dans Marc, où est-ce que... Je dis, Jésus nous encourage à faire attention à ce qu'on entend. Il dit, quand tu entends quelque chose, avec quoi est-ce que tu mesures pour savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux? Avec quoi est-ce que tu mesures? C'est-tu, j'ai marqué, c'est-tu ta tradition? C'est-tu le politiquement correct? C'est-tu la mode morale dans la société? Avec quoi est-ce que tu mesures pour savoir qu'est-ce qui est vrai et faux? Puis Jésus dit, la seule mesure qui existe, c'est moi. Je suis la vérité. Je suis la vérité. Donc, quand j'entends, ma seule mesure, c'est Jésus-Christ. Si je connais mal Jésus-Christ, si j'utilise mal Jésus-Christ, j'ai plus de mesure. Je deviens ma propre mesure. Puis je dis, ça, c'est pas bien. Puis ça, c'est pas... Pourquoi tu crois ça? Ben, parce que c'est pas bien, je le crois pas. Ben, mais comment t'es venu là? Si je dis, mais Jésus a dit que c'était pas bien. Oh! Là, ça devrait clore la situation, si c'est clair dans les Écritures, comme ça. Donc, l'apôtre Paul, il va switcher au verset 9 et 10. Il switch, il dit, pour toi. Là, il parlait de ces hommes, de ces hommes, de ces femmes, de ces hommes, de ces femmes. Là, il dit, mais pour toi, maintenant. Là, il se tourne vers quelque chose d'autre, vers l'autre groupe, je dirais, l'autre partie de l'Église, mais qui est représentée, je dirais, ici par Timothée. L'autre groupe est représenté par les hommes méchants, les hommes qui ont un entendement corrompu, qui sont réprouvés par rapport à la foi. Mais il dit « pour toi ». Et là, Paul va décrire le croyant. Mais Je ne sais pas si vous oseriez, vous, me dire, tu veux savoir c'est quoi un croyant? Watch me. Regarde-moi faire. Tu vas savoir c'est quoi un chrétien. Il ne dit pas, regarde Jésus-Christ, c'est ça, je me serais entendu pas dire, ouais, mais Timothée, regarde Jésus, le modèle parfait, regarde. Non, il dit, regarde-moi. Je dis, bon, OK. Il faut que tu sois pas mal sûr de toi-même pour dire une affaire semblable. Il dit, pour toi, Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Il parle de lui, là, hein? On n'est pas fort en français, mais on est capable de savoir qu'il parle de lui. Suive de près. Tu as suivi de près. Nous, on a une expression en français, mais dans le grec, il y a juste un mot, c'est tu as marché derrière mes talons, tu me suivais. Tu n'as pas pu manquer. Et là, on dit, tu as suivi de près, j'ai suivi de près les élections. Ça veut dire qu'on a suivi les. Chaque jour, on a suivi, on pourrait te dire, mettons, qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, il dit, tu as suivi de près quelqu'un. Quelqu'un. C'était lui-même. Tu m'as suivi de près. Je ne sais pas s'il parle juste de son passé, le temps qu'il a vécu avec Timothée, les 8, 10, 15 ans qu'il a vécu, ou s'il ajoute aussi, tu as suivi de près ce qui se passe maintenant. Tu sais ce que je suis en prison, tu sais ce que je fais. On peut inclure les deux, ça va être pareil, là. Mais tu as suivi de près, puis là, il dit, ça veut dire qu'à quelque part, dans le passé, Timothée puis Paul faisaient un. Ils marchaient ensemble. Même croyance, même affaire, même prison, je pourrais dire, même évangélisation, même missionnaire. On aurait pu mettre les deux ensemble. Puis il aurait été pareil parce que tu es mon oncle, presque, Timothée. Tu me suis, Timothée. Tu as suivi de près. Puis Paul lui-même dit dans Corinthiens, 2 Corinthiens, je pense qu'il va dire, je vais vous envoyer Timothée, c'est mon oncle. Tout ce que je crois, il va vous le dire, puis il va vous répondre les mêmes réponses que moi, puis il a fait son catéchisme polynien, puis il a tout appris les réponses, les questions, puis il va vous les donner, vos réponses. Il va vous donner mes réponses. J'ai pas honte de ça. Pas honte de dire ça. Timothée va vous donner mes réponses. C'est pas qu'il est orgueilleux, c'est qu'il a reçu l'Évangile directement de Jésus, lui. Fait qu'il y a quelque chose d'unique en tant que chrétien. Nous, on peut dire, Carson a dit ça, je peux dire, MacArthur a dit ça, je ne sais pas si vous allez le voir passer. Ils ont fait un film là, sur MacArthur pendant la pandémie. Ça a sorti dans les cinémas aux États-Unis la semaine passée. Là. Je ne sais pas comment ça va sortir sur YouTube à un moment donné, du côté américain. Mais ils sont intrigués. Donc, tu m'as suivi de près mon enseignement. Mais remarque bien que ce n'est pas juste. Tu as suivi mes habitudes. Il commence par, tu as suivi, premièrement, mon enseignement. Mon enseignement. Ce que tu m'as entendu prêcher dans les synagogues quand je prêchais l'Évangile. Tu m'as entendu près du feu le soir. Tu m'as entendu quand on a fait 3 ans dans une école, ce que jour par jour j'enseignais. Tu m'as entendu. Tu m'as entendu quand j'étais à Éphèse, quand j'ai dit aux anciens, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu dans les 3 dernières années. Tu m'as entendu, tu as entendu mon enseignement et tu l'as suivi pendant un temps. Parce qu'il parle au passé, tu as suivi de près mon enseignement. Donc, à un certain moment donné, Timothée suivait, bien comme il faut. Puis, de voir maintenant qu'il ne s'arrête pas là. Il lui dit, « Tu as vu aussi comment je le vivais. Tu n'as pas juste entendu mes babines, tu as suivi mes bottines aussi. » Là, il dit, « Ma conduite, tu l'as vu. Tu l'as vu, ma conduite. Tu as vu comment que je vivais jour après jour, semaine après semaine, année après année. Tu as vu ma conduite. » T'as vu ma mise en pratique de ce que j'enseignais. Fait que, tu sais, il y avait une genre de, comment je dirais ça, de continuité ou de mariage entre la tête et les actions. Puis il dit, t'as vu aussi mes projets. Là, il parle de l'avenir. Tu as vu qu'est-ce que je planifiais pour l'avenir? Ça a le rapport avec ma conduite, ça a le rapport avec ce que j'enseigne. Donc, il y a une continuité entre la tête, les gestes, les actions. Il y a une continuité qui était là dans la vie de Paul, Paul semble trouver normale, correcte, même, je dirais, naturelle pour lui. Il dit, tu m'as vu, tu as vu ma foi. Donc, ce n'est pas juste la foi, mais ma foi dans la foi. Tu as vu à quel point je croyais aux choses que je déclarais. Tu m'as vu faire. Donc, quand j'ai dit que Dieu était souverain, tu as vu que je croyais que Dieu était souverain. Quand je dis que Dieu nous aime, mais tu as vu que je le croyais que Dieu m'aimait. Tu as vu ma foi. Tu l'as suivi de près. Puis là, il dit mon amour pour Dieu, mon amour pour son Église. Tu as vu à quel point que j'aime l'Église, que j'aime Dieu, que j'aime Jésus-Christ. Je suis prêt à crever, je suis prêt à mourir. Tu as vu? Ce n'est pas des paroles en l'air que je t'ai dit, Timothée, tu l'as vu. Et pour un temps, Timothée semble avoir suivi cela. Parce qu'il dit, tu as suivi de près tout ce que je faisais. Et là, il rajoute ma constance. Donc, tu n'as pas vu ça une fois. Tu as vu ça pendant 10 ans. Tu as vu ça pendant 15 ans. Tu as vu que j'étais conséquent, constant, avec ce que je faisais continuellement, année après année, mois après mois, dans les prisons, dans les palais, dans les synagogues, dans les villes, dans la pauvreté, dans la misère. Tu as vu ma constance dans la foi. C'est tout un modèle quand tu penses à ça. Tu te dis, maintenant, wow, OK. Puis là, il rajoute au verset 11, « Mes persécutions et mes souffrances. » Tu as tout vu ça et tu as tout suivi ça de près. C'est-à-dire que pendant ce cours, Timothée était « in », qu'on dit en anglais, 100%. Il était embarqué complètement avec Paul, puis il suivait Paul. Puis si vous lisez les Actes des Apôtres, vous lisez les Épîtres, vous allez voir que Timothée, il suivait. Mais à un moment donné, Timothée, on a vu, hésite. Il hésite par rapport à ce qui se passait. Il hésite. Comme Paul, on a vu tout à l'heure aux Éphésiens, j'espère que mes souffrances ne vont pas vous emmener à être découragé et à abandonner. On l'a vu dans la première épître. On l'a vu dans la deuxième. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. J'espère que ça ne va pas produire ça chez toi maintenant, Timothée. Que tu ne vas pas abandonner à cause de la souffrance, à cause de la difficulté. Tu vas continuer. Là, il parle. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lysse? Mon père, il va directement dans la maison de Timothée. Parce que Icône et Lysse, c'est là que Timothée vient. C'est là qu'il l'a ramassé. Et tu m'as vu, les persécutions que j'ai subies, les souffrances que j'ai subies dans ta propre ville. Tu l'as bien vu, mon Timothée. C'est pas quelque chose que tu n'as pas vu, c'est quelque chose que tu as vu. C'est quelque chose que tu as peut-être remercié Dieu que je t'ai venu dans ta ville pour annoncer l'Évangile. Et quelle persécution n'ai-je pas supportée? En voulant dire, de toutes les couleurs. On sait qu'il a été fouetté, battu, lapidé, il a été laissé pour mort. Si vous lisez la deuxième épître aux Corinthiens, vous allez voir, Paul décrit sa vie, puis il n'y a personne qui l'envie. Il n'y a personne qui l'envie du tout dans ce qu'il décrit. Mais il dit, j'ai fait ça, et regardez bien le côté... je dirais merveilleux, qui dit « Et le Seigneur m'a délivré de tout. » Ça veut dire qu'il s'est arrêté. Ça veut dire quoi? Il m'a donné la capacité de passer au travers tout cela. Il m'a délivré d'abandonner. Il m'a délivré de me décourager. Il m'a délivré d'avoir, de perdre courage et de dire, ben, je vais changer un petit peu. Ah oui, donc on va dans circoncire quelques-uns, là. Ça va faire la paix dans l'Église. Ça va, il va arrêter ces chicanes-là, là. On va arrêter ces chicanes-là. On va faire des petits compromis, c'est-là. Puis finalement, on va pouvoir travailler tranquille sans trop se plier sur les pieds. Mais non. Il dit, le Seigneur m'a délivré de tout. Puis il va en parler plus loin, à la fin de sa vie, dans le chapitre 4. Puis il dit, j'ai la conviction qu'il va me délivrer encore. J'ai la conviction qu'il va me délivrer encore. Donc, il est en train de dire à Timothée, il ne faut pas que tu comptes juste sur toi pour passer au travers. Il faut que tu comptes aussi sur le Seigneur pour passer au travers. Tu n'es pas seul pour passer au travers de ces souffrances-là. Moi non plus, je n'étais pas seul. Si Dieu m'avait laissé seul, je n'aurais pas passé au travers. Mais Dieu délivre. Fait que là, il y a des chrétiens qui pensent que Dieu va délivrer des souffrances. Il va délivrer des persécutions. Il va délivrer, mais ça n'a pas arrivé avec Paul parce qu'il est mort, la tête coupée dans quelques semaines, quelques mois après. Donc, ce n'est pas arrivé dans ce sens-là, c'est bien entendu. Donc, il dit, tu m'as délivré du désir, je pourrais dire, de ma chair qui était d'abandonner. La chair voulait fuir la souffrance, voulait faire des compromis, voulait laisser passer parce que ça aurait diminué la souffrance. Ça aurait diminué la souffrance. Mais il dit non, je me suis fié au Seigneur, aux promesses, aux vérités, en tout cas, à l'Esprit de Dieu, et Dieu m'a délivré de tout ça. Et aujourd'hui, je te parle, non pas comme quelqu'un qui n'en a pas eu, mais quelqu'un qui a été délivré à travers ça. Donc, tu peux voir que c'est vrai. Dieu délivre, parce que j'en suis un exemple. Si on pense que Paul était passé au travers à cause de son caractère fort, qui était un homme fort, qui était un homme courageux, on enlève la gloire à Dieu tout de suite. Puis là, ceux qui n'ont pas ce caractère-là disent, « Ben, moi, je ne suis pas comme ça, je suis plus timide. » Mais non, c'est... Peu importe le caractère que tu as, peu importe la personnalité que tu as, c'est le Seigneur qui délivre. Ça ne change pas ton caractère. Ça n'a pas d'importance, ton caractère. Tu vas peut-être te faire différemment des autres, mais tu ne peux pas dire, tu veux, moi j'ai un caractère comme ça, je ne suis pas capable. Non. Là, tu t'appuies sur tes propres forces seulement. Je ne dis pas qu'on n'a pas quelque chose à faire, mais je t'entends de dire que Paul donne la gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré de toutes les persécutions, de toutes les souffrances qu'il a pu subir à travers les années. Donc, Paul avait vécu, je dirais, peut-être un 20 ans, 25 ans, 30 ans, peut-être, mettons. Et à ce qu'on peut voir, ces 30 ans ont été pas mal de la souffrance, pas mal de la difficulté, pas mal tout au long, qu'est-ce qu'on lit les Épîtres. Puis, autant de la part des païens que de la part des Églises, parce qu'il dit... Je suis envahi par tous les troubles des Églises, toutes les difficultés qu'il y a, autant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur de l'Église. Donc, Paul, mais Dieu dit, Dieu m'a délivré, et il va pouvoir dire dans le chapitre 4, « Et la couronne de justice m'est réservée. » Donc, il a fini la course. Puis là, il dit au verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés. » Il a pris le temps d'ajouter pieusement. Ceux qui veulent vivre pour Jésus-Christ ne seront peut-être pas persécutés. Ceux qui veulent vivre pieusement pour Jésus-Christ vont être certainement persécutés. Donc, il a rajouté le mot là, parce qu'il y a des gens, comme on a vu, il y a des gens qui se présentaient dans l'Église comme des gens qui suivaient Jésus-Christ. Et pour éviter les souffrances ou la persécution, dont faites quelques modifications à l'Évangile. C'est ce que Paul a dit aux Galates, il me semble que je l'avais dit la semaine passée. Il dit, ils veulent vous faire circoncire afin de ne pas être persécutés pour l'Évangile. Et vous, le désir qui était là, on va faire un pas de côté. Ça vient de Dieu, là. Circoncision, ça vient de Dieu, après tout, c'est Dieu qui a demandé ça. Même si on le demandait, ça va causer la paix, lui. Puis j'écoutais quelqu'un cette semaine qui disait ça. Il dit, au nom de l'unité de l'Église, on est prêt à faire n'importe quel compromis. On est prêt. L'Église fait toutes sortes de compromis parce qu'on a mis l'unité comme la primauté, comme la chose la plus importante. Je me suis fait téléphoner en tant que pasteur. François, l'amour, c'est plus que tout le reste. Arrêtons de nous chicaner sur des doctrines. L'amour. J'ai dit l'amour sans doctrine, c'est Hollywood. Ça va avoir d'autres. L'amour sans doctrine, sans la vérité, c'est rien. C'est du vent, c'est de l'air, c'est rien. Et le but premier, c'est de conserver la doctrine dans l'amour. Oui, dans l'amour, dans le respect, oui. Mais on ne fait pas de compromis avec la doctrine, on ne fait pas de compromis avec l'Évangile, on ne fait pas de compromis avec ce qui est vrai. Parce que si tu enlèves ça, on devient réprouvé. Et les élus n'entendent pas l'Évangile, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, il faut le faire, il faut maintenir l'Évangile. C'est ça que la puissance... Tu sais, l'apôtre Paul, il dit, ils en renient ce qui fait la puissance. L'apôtre Paul avait dit ailleurs, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance, l'Évangile. Donc, si j'ai plus l'Évangile, j'ai plus de puissance. J'ai plus de puissance. Si j'ai plus l'Évangile, l'Esprit de Dieu est à deux mains liées, puis je ne peux pas rien faire. Tu ne prêches plus l'Évangile, je ne peux plus agir dans le cœur des gens, moi, là. J'agis à travers l'Évangile, par l'Évangile, par la puissance de Dieu, mais si tu n'annonces pas, si tu annonces un message anthropocentrique, un message qui fait plaisir à tout le monde, moi, je ne peux pas rien faire avec ça, là. Donc, c'est pour ça que c'est si important qu'on maintienne l'Évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, « J'ai assez hâte d'aller vous voir pour vous prêcher l'Évangile. » J'aime ça. Parce que l'Évangile, pour nous autres, c'est pour les inconvertis. Pas l'Évangile pour les inconvertis, nous autres. Mais dans l'Église, non, on est rendu plus loin que ça, nous autres. Ça, c'est pour la première année, l'Évangile. Nous, on est rendu plus loin. Là. Mais non. Non. Le Nouveau Testament, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile au complet. Et je dirais même, la bonne nouvelle, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Donc, on prêche Jésus-Christ. Donc, il dit... Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il va y avoir des réactions de la part du monde dans lequel nous vivons. Verset 13. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Donc, ceux qui ne veulent pas suivre Paul de près, ceux qui ne veulent pas suivre comme Paul encourage Timothée à suivre, ben ils vont de plus en plus s'égarer, jusqu'au point qu'ils vont fermer, tout simplement, ça va devenir libéral, qu'on appelle, puis ça va s'éteindre, tout simplement. J'écoutais Carson, cette semaine, vous avez peut-être étonné que je vous dise ça, mais il décrivait, il dit, la première génération vit une expérience avec Dieu, se convertissent. Vivre une expérience. La deuxième génération, c'est plutôt une forme d'héritage. Ils reçoivent de la première génération une forme d'héritage. C'est à nos enfants, à nous autres, aujourd'hui. Puis la troisième génération, les autres, c'est des traditions qu'ils reçoivent, des habitudes. La quatrième génération, elle trouve ça fatigant. 150 ans. Ça, je vous dis depuis des années. Ça fait ça tout le temps comme ça. Puis c'est de valeur, ça soit comme ça, mais c'est ce qu'on constate, c'est comme ça. Puis il n'y a personne qui semble être capable d'arrêter le cycle de cela. Ça fait partie de cela. Et on l'a vu, on le voit dans l'Ancien Testament aussi. Ça fait la même chose dans ce sens-là. Donc, ces hommes méchants ici, c'est pas tous des Hitler. Là. Ça peut être aussi des Mère Teresa. Ça peut aussi être ça, là, qui change l'Évangile. Ça fait que l'inconverti ou le méchant trouve son compte à quelque part. S'il aime plus Hitler, il embarque avec Hitler. S'il aime mieux Sœur Teresa, il embarque avec Sœur Teresa. Mais les deux, c'est des imposteurs. Les deux ne parlent pas du Seigneur Jésus-Christ, ne parlent pas de l'Évangile comme tel. Donc, automatiquement, comme je vous ai dit un petit peu l'autre jour, comme mon frère m'a dit, mais j'ai été assisté à une retraite. Et il nous a dit que tout le monde serait sauvé finalement. Parce que Jésus est mort pour sauver le monde. Donc le monde est sauvé. Ils savent peut-être pas. Il faut leur dire, mais ils sont tous sauvés. Là. Oh! OK? On appelle ça un imposteur, je dirais oui, là. Assez facilement. Mais pourtant, il se présente comme quelqu'un venant de la part de Dieu. Il a peut-être une vie très modèle à part de ça, une vie très religieuse, très bien placée, très bien fonctionnelle. Il est une espèce de leader, modèle à suivre en tant que prêtre ou laïque. Je ne pense pas qu'il spécifie quel genre de personnage. Mais ils sont égarés eux-mêmes et ils égarent les gens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand je me dirige vers quelque chose d'inconnu, vers un endroit inconnu, anciennement, je sortais ma carte, je la mettais sur le siège à côté. C'est ce qu'on faisait anciennement. Aujourd'hui, on met notre téléphone, on met le GPS. Mais tout bout de champ, je regarde si je suis sur le bon chemin. Mais avec la carte, c'était plus compliqué. Il fallait arrêter sur le bord du chemin, prendre ma carte, regarder. Hop, on s'est trompé. Il faut virer de côté, il faut charger de bord. Hop, on est sur la bonne direction. Donc, il faut s'arrêter à un moment donné pour se poser la question. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ou est-ce que je me suis égaré puis je ne m'en suis pas rendu compte? Ça vous est arrivé que vous étiez perdu? Vous n'en étiez pas rendu compte? À un moment donné, vous êtes, hop, on n'est plus sur le bon chemin. Où est-ce qu'on s'est égaré? On ne le sait plus trop. On ne s'en souvient plus. Puis là, il faut virer de bord, il faut faire de recherche, puis mettre notre GPS, recommencer, puis... Ou là, vous avez déjà vu ça, vous passez tout de suite, puis là, le GPS, retournez en arrière, jusqu'à temps que t'es rendu assez loin, finalement, elle décide de changer de côté. OK, on va vous donner un autre chemin, tu sais. On va donner un autre chemin, mais il faut à un moment donné s'arrêter, puis dire, est-ce que je suis égaré? Puis je garde les gens, ou maintenant, si je suis sur la bonne vérité, je suis sur le bon chemin... Je vous l'avais déjà partagé dans le passé, qu'à un moment donné, je me suis arrêté et j'ai dit, l'évangile que je crois, c'est-tu la vraie évangile? Ou si c'est un évangile que j'ai cru parce qu'on me l'a dit et je n'ai pas été vérifié? C'est une bonne question à se poser, n'est-ce pas? Si on ne se pose pas la question, c'est-à-dire qu'on prend pour acquis que ce qu'on a entendu était vrai. On ne se pose pas la question. Ce que mon frère me dit, ce que mon père me dit, ce que ma mère me dit par rapport à l'évangile, c'était vrai, donc je ne vérifie pas. Danger. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, à cause des médias. Quand je regarde des gars comme MacArthur ou Benoît Pasteur ou Piper ou Carson, je peux voyager dans 40 ans. Je peux écouter les premiers enseignements qu'ils ont donnés, puis je peux écouter les derniers qu'ils ont donnés. Puis je m'aperçois qu'ils se sont trompés puis ils ont changé de direction à des bouts du tout, aussi près comme moi. Tout le monde change. Si tu dis, ben moi, ce que j'ai cru la première année, j'ai rien changé. On dit, ben OK. Soit t'es tête de cochon ou tu trouves pas de l'air. Les deux. Parce que, à quelque part, tu devrais avoir vu que tu as fait des erreurs puis que tu vas te reprendre. Et c'est faux. Faut qu'on ait une mesure, comme je disais tout à l'heure, faut qu'on ait une mesure qui me dit, tu t'es trompé. Faut que tu changes de direction, tu t'es trompé. Et c'est pas facile d'avouer devant tout le monde, je me suis trompé. Je vous induis en erreur, je me reprends. C'est pas évident de dire ça à nos enfants aussi. Je me souviens d'être assis sur une belle de foin dans la grange, je dis à mes enfants, je me suis trompé. Je vous demande pardon. C'est humiliant. On avait des larmes. Mais il fallait que ça soit fait. Il faut que je le dise. Je me suis trompé. Et dans l'Évangile, c'est la même chose. À un moment donné, on dit, je me suis trompé. On part dans la direction qu'on croit être la bonne, ce coup-là. Et ça se pourrait que 10 ans plus tard, on dit, ah ben, je me suis trompé encore un peu dans cette direction-là, puis on recommence. Et Dieu ne nous en tient pas encore. Il tient encore seulement si on dit qu'on ne s'est jamais trompé. Là, il se dit, ouais, mais tu étais un borné, tu sais. Ça fait 10 ans, j'essaie de te dire que tu t'es trompé, puis tu ne m'écoutes pas. Donc, il dit Il faut qu'on s'arrête pour dire. Parce que le mot égaré, vous savez, ça veut dire quoi, quelqu'un est égaré? Il a quitté le chemin, hein? Il a quitté la bonne direction, le bon chemin, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Mais en faisant ça, il y a des gens qui vont suivre. Et la plupart, on commence chez nous, nos propres enfants. Moi, j'écoute mes enfants qui ne sont pas croyants. Puis ils me disent des affaires que j'ai dit au début de ma vie chrétienne. J'en ai honte aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, c'est ça, tu te souviens? C'est ça, tu te rappelles que je lui ai dit? Ouais, OK. Bon, OK, je m'étais trompé. Ils s'en souviennent, eux autres, de ces petits bouts-là, des fois. Donc, ils s'en souviennent. Et les ceux qui sont sauvés, ils se souviennent des bonnes choses que j'ai dit aussi, eux autres. Eux autres, ils rajoutent les bonnes choses. Ils disent, ouais, mais on se souvient de ça. On se souvient que tu as fait ça aussi, là. T'sais, donc, c'est pas juste qu'ils ont des mauvaises choses. Mais ceux qui ne sont pas sauvés se souviennent plus des mauvaises choses pour justifier leur décision de ne pas suivre. Et ceux qui ont décidé de suivre, eux autres vont rappeler les bonnes choses. C'est normal aussi. Et là, comme nous, on doit tellement se rattacher à dire que ce n'est pas nous autres qui sauvons. Oui. Il faut se rappeler que... Mais moi, je dis souvent à des parents, « Non, mais si ton enfant vient dire que tu as gaffé, puis c'est vrai, réglé. Rien compliqué. Demande-lui pardon, réglé. Il ne va pas t'en vouloir. Réglé, dis, t'as raison, je me suis trompé. Je pensais que c'était ça, mais je me suis trompé. Et je te demande pardon. Puis on part. Et dans l'Église, c'est la même affaire. Donc, on étudie, on médite, on prie, on avance. Puis d'un coup, on s'aperçoit qu'on a fait un pas de côté. On dit, hop. On revient en arrière, on se rend en ligne. Mais il faut que tu aies une mesure. Et ta mesure, c'est pas toi-même. Je peux être valeur avec toi. Là. Je ne sais pas, tu ne savais pas, mais... Ton galon, fie-toi pas à ton galon. Il n'est pas fiable. Il faut que tu te fies à quelque chose d'autre. C'est ça qu'on va parler maintenant. À quoi je me fie? François? Carson? Il y a d'autres choses derrière. Sans ça, c'est des gens vulnérables. On n'est pas des papistes, moi je dis. On n'est pas des papistes. On ne réclame pas l'infaillibilité, là, nous autres. Là. Donc, si tu penses que le gars qui t'enseigne ne se trompe jamais, t'es déjà un trompé. Mais à ce moment-là, ici, pourquoi Paul, au début, il dit, regarde-moi. Mm-hmm. Oui, mais probablement qu'il a vu Paul s'ajuster. Il a vu Paul réaligner ses flûtes. Il a vu Paul faire. Il a vu Paul hésiter. Parce que Paul n'était pas un SS, qu'on appelle les super spirituels, qui n'a jamais fait d'erreur, puis qui n'a jamais manqué son coup. Il l'a manqué, lui-même, il en parle avec Barnabas, avec d'autres. Il a fait des erreurs, tu sais, Paul aussi. Puis je crois qu'il a dû s'ajuster, comme tout le monde. Mais lui, il y a une chose qui ne s'ajustait pas, c'est ce que Jésus avait révélé direct, l'Évangile. Mmh, c'est ça. Mais sa vie chrétienne dans les églises, penser qu'il n'a jamais fait d'erreur, c'est pas comprendre la race humaine, c'est pas comprendre l'être humain, c'est pas comprendre... Ça, parfois, il va demander qu'on prie justement pour lui, pour l'aider à aussi. Ben oui, il le demande quasiment dans toutes ses lettres. Priez avec moi, priez pour moi, afin que j'aie le courage, la force. Etc. Donc, c'est un être humain normal, comme nous autres. Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. C'est ce que je disais tout à l'heure. Demeure, hein? Demeure dans ce que tu as appris. Donc, tu as appris, ça, c'est le dans le passé. Tu as appris des choses. Et il dit, et reconnu certaines, sachant de qui tu les as appris. Donc, il ne fait pas juste dire que tu as appris sur des bancs d'université quelque chose, et c'est vrai. Non, il dit, tu as appris des choses, mais tu les as reconnues certaines à cause de quoi? À cause des gens dont tu les as appris. Et vous voyez comment qu'est-ce qu'il leur dit? Il ramène ça vers les gens qui ont enseigné Timothée. Donc, ce n'est pas juste un livre, c'est des gens qui connaissent le livre et qui vivent le livre. François, peux-tu parler de sa mère ici? Il n'en parle pas, mais probablement parce qu'il parle de son enfance. Donc, son enfance s'est passée avec sa grand-mère et sa mère. Okay? Mais en même temps, est-ce qu'il parle aussi de lui-même, Paul? Peut-être aussi. Mais il parle des cinq lettres. Là. On va parler des Écritures, des cinq lettres. Ça fait probablement référence à l'Ancien Testament. Donc, il dit, les choses que tu as apprises et que tu as reconnues certaines, comment est-ce qu'il a fait pour les reconnaître? Comment est-ce qu'a fait Timothée pour savoir que les choses qu'il avait apprises étaient certaines, étaient vraies? Et Luc dit ça à Théophile. Je t'ai écrit ce livre-là afin que tu reconnaisses comme étant certaines les choses que tu as entendues. Donc, il y a Timothée a, à quelque part, reconnu que les choses dites étaient vraies. Sachant de qui tu les as appris. Donc là, il se tourne vers quelqu'un. Sachant de qui tu les as apprises. Donc, il parle-tu de Dieu? Tu les as apprises de Dieu? Je ne pense pas. Parce qu'il fait référence à son enfance. Ce n'est pas la même affaire. Donc, il dit, tu te souviens de ce que tu as appris depuis longtemps? Il parle de son enfance. Donc, on pense que les saintes lettres dont il parle ici, c'est l'Écriture de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez que les gens à cette époque-là, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir, Paul va faire la même chose, ils se servaient de l'Ancien Testament pour annoncer l'Évangile. Ça ne servait pas du Nouveau Testament, il n'était pas écrit. Mais ils se servaient de l'Ancien Testament pour annoncer l'Évangile. Donc, il dit, ce que tu as entendu est reconnu comme certain, sachant que tu les as de qui tu les as appris. Dès ton enfance, tu connais les cinq lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, comment est-ce que Timothée, reconnu comme étant certain, mais les gens ont influencé. Je sais que vous avez déjà entendu les statistiques. Hein? 90-95% des gens qui se convertissent avec quelqu'un qu'ils connaissent déjà. C'est jamais un étranger. Ou c'est à mon petit frère Denis. Vous autres, c'était qui? Ma soeur. Ma soeur. Ton frère. Ma belle-sœur. Ma belle-sœur. Si je peux me permettre, justement, hier, j'en disais avec quelqu'un puis qui me disait, ben moi, j'ai cru, je crois en Jésus, mais à un moment donné, elle dit, je doute. Parce qu'elle faisait la méditation, on a parlé dernièrement de la méditation, puis tout ça. Puis elle dit, il me parlait de Jésus, puis c'était beau, puis c'était... Là, tu sais, je me sentais connectée dans les énergies. Puis là, ben cet été, ce gars-là, il est en prison parce que pour avoir abusé, ça a passé la nouvelle, puis tout ça. J'ai dit, parce que tu as regardé un homme, tu regardais pas Dieu à ce moment-là, que de pouvoir ramener ça. C'est ça, c'est ça ici qui nous dit, tu as connu par les saintes lettres, c'est du passé de ce que tu as appris dans l'Ancien Testament. Mais en même temps que les saintes lettres, il dit aussi en même temps, sachant de qui tu les as appris. Donc, il y a des personnes impliquées là-dedans. Donc, c'est pas juste que tu as entendu dire, mais les gens qui t'ont enseigné, tu les as vus vivre aussi. On revient à ce que Paul a dit au verset 10. Tu as vu ta grand-mère et ta mère te parler de l'Évangile, te parler de Dieu, mais tu les as vus vivre l'Évangile aussi chez toi. Mais tu es allé plus loin que ça, Timothée. Il y a quelque chose qui est indéniable, qui est beaucoup plus fort que ma mère ou mon frère. Il dit, tu l'as vécu! Tu es devenu sauvé, tu as été sauvé, tu l'as vécu toi-même. Tu as vu la force de l'Évangile que tu as entendu, elle t'a transformé. Elle t'a changé, cet Évangile-là. Fait que, mon ami, tu peux pas faire autrement que le croire maintenant, là. T'as entendu un Évangile, puis t'as vu tes parents qui t'en ont parlé le vivre, et toi, tu l'as entendu et tu l'as cru, et elle t'a transformé, cet Évangile-là aussi. Elle t'a rendu sage à salut. Wow! Tu peux pas nier que la Bible est vraie, qu'elle t'a transformé, qu'elle t'a changé, elle t'a fait de toi un enfant de Dieu, elle t'a fait de toi un héritier du ciel et de la terre. Tu peux pas nier que c'est vrai ce qu'elle dit. Tu l'as vécu. Voyez-vous, tu ne vas jamais séparer la connaissance de la pratique. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça va toujours ensemble dans les Écritures. Tu m'as vu enseigner, tu m'as vu vivre. Tes parents t'ont parlé, tu les as vus vivre. Tu l'as entendu, ça t'a transformé toi. Donc, on voit que l'Évangile agit. Donc, c'est sûr qu'on devient convaincu que c'est vrai. C'est vrai parce que ça l'a changé ma vie. Donc, à quelque part, c'est vrai. Je ne me souviens pas qui disait ça. Il dit, quelle preuve que tu as que c'est vrai? Mais ça m'a changé tout. J'ai viré de bout. Daté que j'étais, je suis devenu un prédicateur de la Bible. On peut dire ça dans n'importe quel mouvement religieux. Là. Okay, donc, ça, c'est correct. On peut dire ça dans n'importe quel mouvement religieux. Mm-hmm. Mais en même temps, tu as toujours les deux. Tu as la vérité que Jésus a dit. Puis ça t'a transformé toi. Donc, ça... Il faut que je sache de qui je les ai entendus, d'où est-ce que ça vient, ce que j'entends. Ce que ça vient, ça peut m'avoir transformé, mais ça ne vient pas de Dieu, mais ça m'a transformé témoin de Jéhovah, ça m'a transformé mormon, ça m'a transformé catholique. Mais si je sais de qui, c'est toi qui parle, il y a en bas les saintes lettres. Ta mère, ta grand-mère, ton père, ils ont appuyé ça sur la Bible. Et quand Jésus parle Jésus a parlé pendant 3 ans. Vous savez ce qui avait été écrit dans les psaumes, vous savez ce que Moïse a dit, vous savez ce que Isaïe a dit, vous savez ce que David a dit, vous savez ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament. Donc, il appuyait ce qu'il disait par les Écritures. Mais ce n'est pas suffisant. Tant que tu ne le vis pas, tu ne le crois pas. Il y a des belles choses, mais tu ne le crois pas. Mais cette vérité-là, ce moment-là que tu as vécu, Timothée, tu sais que c'est vrai. Tu sais parce que ça t'a rendu sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tu l'as vécu, Timothée. Tu l'as vécu. Donc, les Écritures, j'ai déjà dit, on peut avoir une connaissance intellectuelle de certains faits bibliques, mais tant qu'on ne les vit pas, ils restent seulement des faits intellectuels. C'est quand on les vit qu'ils deviennent vrais, qu'ils font partie de nos vies, qu'on est prêt à mourir pour, parce qu'on les a vécus. C'est pas juste dans des choses qu'on sait. Je sais, moi, que la planète Mars est bien loin, mais ça ne change pas dans ma vie, rien. Et là, François, il dit au verset 15 qu'ils peuvent, là, il ne dit pas qu'ils t'ont rendu, il dit qu'ils peuvent, c'est comme si c'est un processus. Oui, puis non. Parce qu'il parle d'une expérience passée. Il parle, tu les as apprises, tu les as su, et dès ton enfance, qui ces êtres-là peuvent rendre sage au salut? Donc, c'est là que tu as tout cherché. La puissance est dans les lettres, dans les Écritures, dans la vérité. Et donc, ils peuvent rendre, mais si toi, tu ne les crois pas, ils ne te rendront pas sage au salut. Okay? Okay. Ils peuvent, mais si toi, tu ne les crois pas. Et là, on va embarquer dans le verset 16, la continuité. Okay? Là, on embarque la continuité. Si ces lettres-là, si ces paroles-là t'ont fait vivre la réalité d'un salut, d'une transformation, d'une régénération, tu vas vouloir toujours y retourner. Moi, c'est juste des petits livres de trésors, là. Il y a des petites cartes dedans, puis tu peux trouver un trésor. Quand tu en trouves un, là, tu veux trouver tout de suite l'autre, puis tout de suite l'autre, puis tout de suite l'autre. Tu retournes. Vous avez déjà joué à la roulette, là, 25 cents. Là. Ben, si tu gagnes 1 000 $, tu es toujours en train de vouloir retourner pour gagner un autre 1 000 $. Mais si tu gagnes jamais rien, finalement, tu arrêtes de jouer, puis tu dis, bon, non, je mange mon argent, je ne fais jamais rien. Mais écoute, tu l'as gagné 3 000, tu es toujours en train de retourner parce que tu l'as vécu quelque chose. Là. Tu sais que ça, tu peux gagner 3 000 parce que tu l'as gagné une fois. Donc, quand tu as compris que les vérités que tu as entendues t'ont emmené à être sauvé, tu veux toujours retourner à ça. Okay? Tu veux toujours retourner là. Parce que tu as vécu quelque chose de tellement grand, tellement beau, tellement fort, tellement puissant, que tu veux retourner vivre ça encore. Si ce n'est pas ça, tu dis, ben, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Ce qui dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Donc là, on présume l'Ancien Testament au moins, mais peut-être le Nouveau Testament en partie t'a déjà écrit. Quand Paul écrit la deuxième épître à Timothée, on est rendu en 67, 68. Et après, on pense que la majorité du Nouveau Testament est écrit avant 70. Donc, il y avait les évangiles, il y avait Marc, il y avait des choses qui se promenaient partout, qui étaient là, qui faisaient partie. Et là, ce qui est intéressant, inspiré de Dieu. Le mot inspiré, ça veut dire quoi? Quand je te dis inspire, tu fais quoi? C'est ça que ça veut dire. Donc, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Tu as ouvert ta bouche, puis Dieu a soufflé dedans. Okay? C'est ça que ça veut dire jusqu'à un certain point. Ça l'a rentré, ça vient de l'extérieur de toi, et ça l'a rentré en toi. Okay? Donc, il y a eu un mouvement de la part de Dieu pour que les gens qui ont pris la décision de s'asseoir et d'écrire, qui ont pu être inspirés de Dieu. On croit à ça. Carson, il parlait cette semaine qu'il y a différents modes que Dieu a transmis la vérité. Des fois, il a dicté, comme avec Jérémie, il a dicté à Jérémie des faits mot à mot. Voici le message que je veux que tu donnes à Israël. Et Jérémie l'a mis par écrit, avec un écrivain, avec un scribe. Ils l'ont, je ne sais pas si vous souvenez l'histoire, mais ils l'ont brûlé le livre. Il a brûlé une autre fois. Dieu n'a pas changé d'idée. Dieu a redonné à Jérémie, puis il a écrit un autre livre. Donc, la source, c'est Dieu. Ce n'est pas le papier, là. C'est pas là, là. Mais il y a des fois, c'était par des visions, des songes, des révélations. Des fois, c'était des anges qui amenaient les messages. Et d'autres fois, c'était un Luc qui dit, « Bon, je vais chercher, je vais aller voir les témoins oculaires, je vais leur poser des questions, je vais prendre des notes, puis je vais écrire l'Évangile de Luc et, l'Évangile, et les Actes des Apôtres. » Donc, il y a différentes méthodes. Mais l'inspiration, c'est pour tous les livres de la Bible. Et seulement les livres de la Bible. Quand vous entendez quelqu'un qui dit, « Dieu m'a inspiré, j'ai composé un chant », oh, tu peux dire, c'était beau ton chant, inspiré, vous savez que ce n'est pas vrai. Okay? Pas dans le sens que la Bible dit, là. Mais aujourd'hui, la tendance que je vois depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on prend autant au sérieux ces gens-là qui disent qu'ils sont inspirés que les Écritures. Parce que le mot inspiré a changé de nom, changé de connotation ou de sens. Au début, quand les premiers chrétiens se sont assis pour parler, pour débattre, quel livre va faire partie de la Bible, le mot inspiré est arrivé. Puis on lui a donné un sens, mais à travers les siècles, aujourd'hui, on a changé le mot, le sens du mot, puis Dieu m'a inspiré un message. Puis le gars, il parle pas comme si c'est Dieu qui parle. Wow! Wow, wow, wow, wow. Je me souviens d'avoir dit au témoin de Jéhovah, il dit, « Tu ne crois pas quand tu lis la Bible? » Je dis, « Quand tu lis, je crois. Quand tu m'as à me dire ce que ça veut dire, là, je crois moins. Mais quand tu lis la Bible, je crois à Dieu comme frère que c'est la Bible qui le dit, c'est vrai. Mais quand tu commences à interpréter, là, je ne suis pas sûr. Puis quand moi, je me mets à interpréter, tu n'es pas sûr non plus, là. Quand Paul, lui, il dit ça, là, la Bible, c'est pas la Bible, les 66 livres comme nous, là. Oui, tout est écrit sur. Non, ce que je veux dire, c'est que lui, il ne sait pas, là, qu'il y a sa lettre qui est écrite à Timothée va être inclus dans la Bible. La Bible, c'était... plus tard qu'officiellement, il y a eu 70 livres. Non, mais, là, il y a des lettres qui circulent, mais c'est pas... Lui, il veut dire... Sa lettre à lui, mettons, tu veux dire à lui. Je peux comprendre ça, là. Mais... Nous, on prend pour acquis ce qui a été écrit. L'apôtre Pierre a dit dans son épître que les écrits de Paul étaient aussi inspirés que l'Ancien Testament. Donc, il savait déjà. Il savait... Je crois qu'il y avait, une... un raisonnement dans la première génération que les apôtres avaient quelque chose de spécial. Okay? Donc, si Dieu a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament, il inspire aussi les prophètes du Nouveau Testament. Maintenant, c'est de savoir si le prophète qu'on est, c'est un prophète de Dieu. Parce que si c'est un prophète de Dieu, il est inspiré quand il parle. Donc, ils ont fait cette déduction-là parce que Pierre n'aurait pas pu faire la déduction tout de suite, dans la génération que ça a été écrit, que c'est les Écritures de Paul étaient aussi inspirées que l'Ancien Testament. Okay, donc, c'est dans ce sens-là que je l'ai dit. Là. Donc, il dit, Dieu a agi par son esprit. Le mot dans le grec contient le mot esprit, pneuma, ça contient. Et vous souvenez que Dieu a soufflé une fois, puis Adam est devenu un homme, le vivant. Puis Jésus, à un moment donné, il souffle sur les apôtres, puis il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ce qui sort de Dieu, ça l'inspire pour qu'on puisse connaître Dieu. Donc, Dieu pousse des gens à écrire pour le décrire, pour qu'ils parlent de sa part à lui. Puis là, il dit « Ces Écritures-là sont utiles ». Avez-vous d'autres mots que le mot « utile » ?« Ils sont utiles ». Non, plus bas. Continue, plus bas. Verset 16. Utile. Tout le monde a le mot utile? Donc, quelque chose qui est utile, ça veut dire que quelque chose, ça sert à quelque chose. Hein? C'est utile. Quand je dis c'est inutile, ben, on le met à la poubelle habituellement. C'est inutile, ça ne sert à rien. Mais quand c'est utile, les Écritures, la parole de Dieu, elle a une utilité. Elle a une raison d'être. Quand tu la prends dans tes mains, t'enlignes-tu avec sa raison d'être? Ou si tu t'enlignes avec ta raison, pourquoi tu lis? Ou si tu dis, je me mets à genoux, je me mets assis, je prends ma Bible, cette livre-là, il y a une raison qui est là. Est-ce que je m'enligne avec sa raison ou si je veux lui donner ma raison à moi? Je la lis parce que ça me fait du bien. Je la lis parce que je me sens un chrétien mature. Je la lis parce que le pasteur n'arrête pas de nous dire qu'on devrait la lire. Je la lis parce que ça me console. Je la lis. Je peux lui donner toutes sortes de raisons que je la lis. Mais le texte nous dit, c'est pourquoi ça a été écrit. Il y a quatre choses. Faites quatre colonnes. Faites-vous une belle feuille avec quatre colonnes. Vous voyez, là, mais... Essayez-les. Et... Vous lisez Jean 1. Le matin, chez vous, vous lisez Jean 1, vous écoutez un sermon, et dites, est-ce que la Bible a fait ce qu'elle voulait faire en moi, aujourd'hui, quand j'ai lu? Est-ce que ça l'a été utile? Hein? C'est la première colonne. Non, ça, c'est sa raison d'être. Jean 1, 1, premier chapitre de l'Évangile de Jean, elle y est utile à... Puis là, il y a quatre choses, il y a quatre utilités. Si je ne suis pas capable de rien remplir, elle est utile à rien. Elle est utile à rien. Parce qu'elle n'a rien fait dans ma vie. Je l'ai lu le matin, là, mais elle n'a rien fait. Je prends mon marteau, je m'en vais faire ma journée comme si ça n'avait pas lu. Mais finalement, enseigner puis instruire, c'est quoi la différence entre attends. Ça, c'est la troisième colonne. Je n'ai même pas fait ma première encore. La première, c'est enseigner. Elle est utile pour enseigner. Quand tu enseignes, tu transmets de l'information. C'est ça que tu fais quand tu enseignes. Tu enseignes, quand j'étais professeur à l'école, tu transmets de l'information à l'élève qui est en devant toi. C'est ça que tu fais. Tu transformes, tu transmets de l'information. Donc, quand vous lisez les Actes des Apôtres, et ils enseignèrent l'Église, et l'Église se fortifiait. Donc, il y avait une corrélation entre le fait qu'il y avait eu de l'enseignement et qu'il y avait eu une réaction, ça les fortifiait. Donc, elle enseigne. Donc, je vais apprendre des faits, des actes, des peut-être historique, peut-être géographique, peut-être moral, peut-être... Je vais apprendre des choses par rapport à Jésus, par rapport à Dieu. Ce matin, j'écoutais un pasteur de Val-d'Or qui parlait de la création du deuxième chapitre de Genèse. Et il a dit des choses que je n'avais jamais entendues. Géographique, je parle, et historique. Je dis, ah ouais, bon, OK, c'est bon. J'ai appris quelque chose, là. J'ai appris quelque chose. J'aurais pu marquer dans ma colonne 1, j'ai appris que... Je ne veux pas juste me contenter de la géographie, là, mais en tout cas, je pourrais dire, j'ai appris un petit peu quelque chose. De l'information. Et si tu n'apprends jamais rien de nouveau, il y a un problème. Il y a un problème. Ça voudrait dire que tu as tout compris la première fois que tu as lu. Il y a un problème. Tu devrais apprendre. Tu devrais recevoir de l'information que tu ne savais pas quelque part. C'est que l'apôtre Paul, quand il écrit ses lettres, il donne de l'information qu'il ne savait pas. Il apprend des choses. Puis il voit des choses nouvelles. Ah, oh, OK, on ne savait pas ça, Paul. Ah, oh, on ne savait pas ça. Et, cette semaine, j'attendais Don Carson. Je vous dis encore une fois, Don Carson. Il dit, si vous voulez savoir prier, j'ai dit, il m'a copié. Il dit, si vous voulez savoir prier, écrivez toutes les prières de Paul dans un livre. Regardez comment est-ce qu'il prie. Vous allez apprendre que vos prières, des fois, c'est juste du blablabla. Ça ne sert à rien. Paul, il ne prie pas comme ça. Vous voulez savoir comment prier? Allez voir des gens qui ont prié, qui connaissaient les Écritures, comme Paul, comme Pierre, comme Jésus. Allez voir. Ils vont vous apprendre des choses. Ils vont vous apprendre parce que tu t'approches pour être enseigné. Moi, j'ai eu des élèves qui ne voulaient pas être enseignés. Il ne voulait pas être à l'école. Il n'aimait pas ça, l'école. Il s'était fatigué. Il était énervé, les petits gars. Tout ce qu'il faisait, c'était déranger la classe. Parce qu'il n'était pas intéressé d'apprendre. C'est mon père et ma mère qui m'envoyaient à l'école. Moi, j'aimerais mieux être avec papa dans le champ. Mais il ne voulait pas apprendre. Mais peu importe ce que tu leur disais, tu pouvais plus t'arracher le cœur pour leur dire de l'information. Mais il ne voulait pas apprendre. Donc, je dois m'approcher, premièrement, avec le but d'être informé. Et si je ne l'ai pas, je devrais être déçu. Je devrais être déçu, triste. J'ai lu trois chapitres, puis je n'ai pas su. Un matin, j'ai lu trois chapitres dans Genèse. Et j'ai remarqué pour la première fois que quand il parle d'Agar et l'enfant, c'est l'enfant qui est important, ce n'est pas Agar. Agar laisse son fils mourir en dessous d'un arbre parce qu'il n'y a plus d'eau. Puis elle va se cacher plus loin parce que je ne veux pas voir mourir mon enfant. Et Dieu vient lui parler et il dit à Agar, j'ai entendu les paroles de ton fils, de l'enfant, et je suis venu t'aider. Oui, il dit, c'est l'enfant. Là, j'ai fait le lien avec les chapitres d'avant. Ta descendance, Abraham, va être bénie. Puis Ismaël était la descendance, puis Dieu protégeait la descendance d'Abraham. Il a été sauvé, Ismaël, et non pas Agar. Agar a été sauvé par alliance avec Ismaël, le frère d'Abraham. Puis j'ai appris quelque chose de dire, ah, ouais, Dieu est vrai. Dieu avait dit, tous tes descendants, je vais les bénir. Je disais, Dieu fait ce qu'il dit. J'ai appris quelque chose de nouveau. C'est ça qui est intéressant. Demain, je vais vouloir aller lire encore trois chapitres pour apprendre tout ça de nouveau. J'apprends du nouveau. C'est toujours nouveau, donc c'est intéressant. Hein? Deuxièmement, pour convaincre, les Écritures vont t'enseigner, mais ils veulent aussi te convaincre. Les Écritures. Ils ne veulent pas juste t'enseigner. Voyez-vous, ici, ils donnent le job aux Écritures inspirées de Dieu. Mais pas au Saint-Esprit. On sait par ailleurs que le Saint-Esprit va travailler. Mais ici, c'est les Écritures. Il y a un raisonnement dans les Écritures. Quand tu les lis, ça va te convaincre. Le raisonnement, l'intelligence des Écritures, tu arrives devant, tu dis, tu peux pas briser le raisonnement, tu peux pas briser la logique et le bon sens. C'est l'autre après. Il doit en avoir un avant. L'autre, c'est corriger. T'as enseigné. Enseigner la vérité, refuter l'erreur, corriger les fautes. Refuter l'erreur et corriger. Ah, refuter. Ben, si tu refutes, ça veut dire quoi? Refuter, ça veut dire que tu vas être convaincu que tu es dans l'erreur. Okay? Donc, elle a un pouvoir de convaincre. C'est pour ça que quand on a entendu l'Évangile, qu'on a lu l'Évangile, ça nous a convaincu que c'était la façon. C'était la manière. Il n'y avait pas. Moi, quand j'ai entendu l'Évangile les premiers temps, j'ai compris le salut. Je dis, il ne peut pas avoir d'autres moyens. Ça devenait clair tout d'un coup. J'étais convaincu que c'était ça la vérité. Pas y croire, pas y croire. Mais il y avait, ça, pour la première fois, j'entendais quelque chose qui faisait du sens et de l'intelligence, de la logique. Ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait pas être autrement. La Bible est écrite de façon qu'elle convainc les gens qui la lisent. C'est ça qui fait que, oui, il y a le Saint-Esprit qui travaille derrière, je suis d'accord avec ça. Mais elle-même, l'Écriture, a une force de convaincre. Vous avez déjà vu ça, des gens qui sont convaincants quand ils parlent. Hein? Vous avez déjà rencontré ça. Il est convaincant, ce gars-là, quand il parle. Mais les Écritures ont la même force de convaincre que c'est la vérité. Donc, aujourd'hui, dans ma deuxième colonne, j'ai été convaincu d'eux. Troisième, elle est là pour corriger. Corriger. Aimez-vous ça? Aimez-vous ça, aller mener votre papier au professeur, puis il était pour le corriger? Quand j'étais en mathématiques, j'étais fier. Quand j'étais en français, j'étais moins fier. Mais il y avait une certaine gêne, une certaine peur de la réprimande, une certaine peur du ridicule, même, des fois, une certaine peur. Mais avec Dieu, on ne devrait jamais avoir peur. Tu ne devrais jamais avoir peur. Le fondement avant, c'est que c'est ton Père. Il t'a sauvé, il t'aime. Maintenant, il veut te corriger dans les erreurs que tu fais par rapport à lui-même, premièrement, par rapport à son fils, par rapport à son plan, par rapport à ce qu'il est en train de faire. Il va te corriger, il va te réaligner. On devrait, si on veut avancer, on devrait vouloir la correction. Pas la correction, on ne parle pas de physique là, dans ce sens-là, mais la correction. On devrait vouloir être corrigé parce qu'on sait qu'on fait des erreurs. Donc, Seigneur, corrige-moi. Corrige-moi dans ce que je sais par rapport à toi qui n'est pas tout à fait en ligne avec ta pensée, avec les Écritures. Corrige-moi. Je ne sais pas si vous faites ça quand vous lisez votre Bible. Corrige-moi dans ce que je comprends mal de toi. Réaligne-moi avec toi, avec ton esprit. Parce que j'ai tendance à m'égarer. Je suis un charnel, je suis un pécheur. J'ai tendance à m'éloigner. J'ai tendance à justifier mes faiblesses et mes péchés. Corrige-moi. Si on n'a pas cette attitude-là, on ne corrigera pas. Ça corrige, tourne la page. On est bien une autre histoire. Il veut me corriger, tourne la page. On est bien une autre histoire. Non. C'est par amour que Paul, l'Épître aux Hébreux, dit c'est parce qu'il vous aime qu'il vous corrige. Pas que, nous, on voit la correction comme quelque chose de brutal, quelque chose de mauvais. Notre société nous a bien convaincus que c'était bien mauvais corriger quelqu'un. Mais c'est pas corrigé par rapport à un péché, c'est corrigé par rapport à une pensée par rapport à Dieu. Mais ça peut être le péché qu'il va utiliser pour te montrer que tu t'es trompé. Oui, ça c'est ça. Si tu montres un péché, tu l'acceptes. Oui. Merci Seigneur, tu m'as montré que je pensais que c'était correct ce que je faisais, puis c'est péché. Mais ce péché-là reflète qu'il est contraire à ta nature à toi. Okay? C'est pour ça que c'est péché, c'est parce que c'est contraire à toi. C'est ça, je vais revenir là par là. Mais le péché, faut qu'on l'accepte quand Dieu nous dit, est-ce que tu fais là, c'est mal. Il dit, Seigneur, t'as pas raison. Oui, c'est mal. Ce que je fais là, c'est mal. Donc, corrige-moi, monte-moi, aide-moi. Et on peut le marquer. Dieu m'a corrigé ce matin, il m'a montré quelque chose qui était mal dans ma vie, qui n'était pas correct dans ma vie. Par rapport à lui, ou moralement, ou spirituellement, ou doctrinalement, il m'a corrigé. Quatrième colonne. Pour instruire dans la justice. Quelle différence qu'il y a en enseigner et instruire? N'avez-vous une différence? Instruire, c'est, elle va te montrer comment mettre en pratique ce que tu as enseigné. Elle va te montrer comment mettre en pratique ce qu'il t'a enseigné. Ça, c'est instruire. Quelqu'un disait ça cette semaine sur Facebook, j'ai vu. Enseigner sans montrer comment le faire, c'est perdre son temps. Nos parents ne nous ont pas juste dit faire, ils nous ont montré comment faire. OK? En allure, que moi je suis mécanicien, j'ajoute une machine, il y a tout le temps, je veux tout le temps lire les instructions. Oui. Ça, je pense à ça. Puis aujourd'hui, pour les nuls, bien, on a des vidéos sur YouTube, on va voir la vidéo. Puis en plus, ils nous montrent comment le faire. Parce que moi, si tu mets un nom mécanique, je ne sais même pas c'est où la pièce. Mais il va me montrer dans la vidéo où est-ce que c'est. Mais il va avoir de l'instruction. On voit ça c'est marqué instruction, on voit ça dans les livres, hein? Instruction, pour le propriétaire de la véhicule, du véhicule, instruction. Donc, ils vont nous donner des... Et la Bible, elle ne fait pas juste nous déclarer des choses, elle nous montre comment le vivre. Elle nous montre comment le mettre en pratique. Donc, dans ma quatrième colonne, je vais faire quoi aujourd'hui avec ça? Dieu m'a enseigné, Dieu m'a convaincu, Dieu m'a corrigé. Je fais quoi avec ça aujourd'hui? J'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire. Maintenant, si je m'arrête et je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça aujourd'hui? Et ça va prendre des fois quelques minutes. Ça va prendre un temps de prière, ça va prendre un temps de méditation. Comment je pourrais mettre en pratique ce que tu viens de me montrer, Seigneur? Je vous l'ai dit l'autre fois. Quand vous ouvrez votre Bible, Dieu parle. Et la pire chose qu'on peut faire, c'est d'être indifférent. C'est la pire. C'est pas de la lire. C'est pas de s'abstenir de la lire qui est pire. C'est de la lire et d'être indifférent à ce qu'elle le dit qui est pire. Ça, c'est pire. De ne pas écouter ta femme, c'est pas le fun. Mais de l'écouter et pas faire rien, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, quand j'ai lu, j'ai entendu, ça peut être lu ou écouté ou lire un livre, peu importe comment, mais Dieu m'a parlé. Et la pire chose que tu peux faire, c'est de faire semblant que tu ne l'as pas entendu, puis tu vas faire ta petite journée comme si rien s'était passé. Moi, j'appelle ça une insulte à Dieu. Une insulte. T'es mieux de dire je ne la lis pas, parce que dans le fin fond, je ne ferai rien avec ça. Je ne la lis pas. Parce que je ne ferai rien avec, que ça donne quoi de la lire? Sois honnête au moins. Parce qu'elle a une utilité, elle. C'est marqué. Elle est utile à quelque chose. Donc, elle veut atteindre un but quand on s'expose à la vérité, quand on s'expose à la parole de Dieu. Elle veut m'enseigner, elle veut me convaincre, elle veut me corriger, elle veut m'instruire dans la justice. Elle veut. Ces quatre choses-là, nous devrions savoir ça veut dire quoi. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on était sauvés. C'est ça qu'on a fait, les quatre étapes pour être sauvés. Si on n'a pas fait ces quatre étapes-là, si j'ai pas reçu l'information de Dieu, j'ai reçu l'information juste d'un pasteur, peut-être que je me suis fait avoir. Mais j'ai eu de l'information de la part de Dieu. Et ça m'a convaincu que j'étais un pécheur perdu, loin de Dieu. Et je l'ai laissé me corriger, j'ai pris un autre chemin, et il m'a montré comment instruire, et j'ai devenu un croyant, et j'ai marché dans une autre voie. C'est ça que le salut fait. C'est ça que l'Évangile fait. Ça a commencé là. Donc, les quatre étapes, je l'ai faites au moins une fois dans ma vie. Sans ça, je ne suis pas sauvé. Je ne suis même pas sauvé si je n'ai pas fait ces quatre étapes-là. C'est que l'information, ça venait du curé ou du pape, ça ne venait pas de Dieu. Puis ça m'a convaincu par les larmes, ça m'a convaincu par l'expérience, mais ça ne m'a pas convaincu vraiment. Puis ça n'a rien changé dans ma vie, ça ne m'a pas corrigé, puis je ne fais pas grand-chose avec ça. Ce n'est pas le seul. Il précise dans la justice. Y a-t-il un sens à ça? Bien, la justice, c'est Dieu. Elle m'instruit dans la justice de Dieu, dans la justice qui est en Jésus-Christ, dans la justice. Dieu est juste, donc c'est. M'instruire dans la personne. Par rapport à Timothée, c'est-tu. Parce que ça peut être corrigé dans les relations avec les frères et sœurs, la beau-frère. Tu sais, dans d'autres termes, là, mais là, il parle, il précise le mot justice. Mais quand on attaque l'Évangile, c'est la justice qu'on attaque. Parce que l'Évangile, c'est la justice de Dieu qui est manifestée. C'est tout, ça revient toujours en même place. Là. OK? Donc. C'est pour ça qu'il dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et que tu as expérimentées à quelque part, à travers ton salut. Tu as expérimenté ces choses-là. Et tu les as expérimentées avec moi aussi pendant les 10 ans qu'on a travaillé ensemble. Tu as expérimenté, ça faisait quoi, la vérité dans la vie des gens? Tu l'as vu dans ma vie, tu l'as vu dans l'Église, tu as vu les gens être sauvés. Tu as vu. » Là, il dit à verset 17, on termine avec ça, « Afin que l'homme de Dieu soit accompli, est propre à toute bonne œuvre. » Ça, c'est la raison que tu fais la recette. Finalement, si tu fais une recette, il n'y a pas de gâteau sur le comptoir, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a manqué la recette, elle a jeté la poubelle, puis il n'y a pas de gâteau sur le comptoir. Mais il dit, si j'ai suivi la recette, ça va produire en moi que je vais devenir un homme de Dieu ou une femme de Dieu, et je vais être propre à toute bonne œuvre. C'est ça qu'il veut, dans le fin fond. C'est le résultat final. Si je passe par les quatre colonnes, les quatre étapes, je vais être plus mature et je vais être plus propre à les bonnes œuvres. Donc, je vais pouvoir voir le résultat du fait que je me suis exposé à la vérité. Je vais voir les résultats dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est ça qu'il dit à Timothée. Si tu veux, Timothée, aider l'Église et redresser l'Église, il va falloir que tu restes attaché à ce que tu as entendu, ce que tu as expérimenté, ce que tu as vécu toi-même aussi en t'en allant quelque part. Ne te laisse pas les gens te détourner et t'emmener dans une autre direction parce que tu vas t'égarer et tu vas égarer les autres après. Tu qu'on avait vu dans « Tu vas te sauver toi-même et tu vas sauver ceux qui te suivent. » Donc, ne te laisse pas égarer. Ne te laisse pas égarer. Attache-toi à ce que tu as entendu, ce que tu as vécu, qui est la parole de Dieu dans le fin fond de l'histoire, parce que ça vient de Dieu. Tu ne peux pas, Timothée, remettre en question la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Si tu remets en question la parole de Dieu, tu es foutu. Tu es perdu. Tu ne peux pas. Donc, s'il fait ça, ben, il va pouvoir faire le chapitre 4 qu'on va voir la semaine prochaine. Il va pouvoir aller plus loin et dire, lui aussi, à la fin de sa vie, comme Paul va dire, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, la couronne de justice m'est réservée en ce jour-là. » Paul ne dit pas à Timothée de faire quelque chose que lui n'a pas fait. Jamais il dirait ça. Jamais. Mais il dit à Timothée, « Ce que tu as vu, garde-le, demeure dedans. » On fait le repas du Seigneur, c'est moi qui le fais aujourd'hui. Si vous voulez reculer dans chapitre 2 de Timothée, chapitre 2, verset 8. On va lire un verset là, pour ça on va reculer au chapitre 1. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'était une façon de se fortifier. Souviens-toi de Jésus-Christ. Né de la postérité de David, ressuscité d'entre les morts, selon mon évangile. Souviens-toi de cela. Et Timothée est encouragé par l'apôtre Paul à se souvenir de la personne de Jésus, de ce qu'il a vécu. Je vous ai déjà dit, quand il y a quelque chose qui marche mal ici, dans ma vie chrétienne, je vais souvent être obligé de retourner en arrière et refaire le chemin pour voir qu'est-ce qui a bloqué à quelque part. Donc, je retourne en arrière à ce que Jésus a fait et je vais baser ma foi là-dessus. Ma foi est basée sur ce que Jésus-Christ a fait. S'il y a quelque chose qui ne marche pas ici ou qu'on me dit quelque chose qui ne marche pas, c'est un peu, il me semble que ça contredit ce que j'ai appris ici au début par rapport à Jésus-Christ. Donc, je dois retourner là pour voir, ça contredit, il me semble, ici, ce que j'ai entendu, en quoi j'ai cru. Donc, il dit, souviens-toi de Jésus-Christ qui est mort. Pour ressusciter, il faut mourir, là, hein? Il est mort et ressuscité. Reculez au chapitre 1, maintenant. Verset 8. Dans 2. Toujours dans 2 Timothée. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni à moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, pour la puissance de Dieu. Il nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les temps éternels. Je t'ai pas dit, Don Carson le 17 semaine, on ne peut le dire pas. Et qui a été manifesté. L'épître aux Éphésiens, c'est la seule épître qui nous dit qu'avant le commencement du monde, tout le plan était dans la tête de Dieu. Dieu avait déjà déterminé tout ce qui était pour arriver. Mais il n'est pas resté, ça n'a pas resté dans sa tête. Ça a été manifesté à un moment donné. Ce qu'il dit au verset 10, « Et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité. » Donc, le plan de Dieu aurait été inutile s'il n'y avait pas eu manifestation. S'il ne serait pas venu et dire, « Hey, je vous le dis, là, moi, avant que le monde fût, j'avais déjà décidé tout ça, là. » J'avais déjà tout organisé ça, là. Mais quand les temps ont été accomplis, quand c'était le temps, Jésus-Christ, Dieu s'est incarné, puis je vais vous dire, hey, je viens vous dire ce que j'ai pensé il y a 50 milliards d'années. Je viens le mettre en pratique aujourd'hui parmi vous autres, pour que vous le voyez. J'aime Dieu à cause de ça. Il n'a pas juste dit, il est venu me montrer. Il est venu me montrer qu'il m'aimait. Il ne m'a pas juste dit qu'il m'aimait. Il a dû me montrer qu'il m'aimait. C'est beaucoup plus fort que juste des paroles dans les airs, ça. Il a dû me montrer. Puis il a mis en défaite la mort, et par sa résurrection, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Donc, c'est le repas du Seigneur, ça nous emmène dans cette direction-là. On se souvient. Ouais, ça, là, c'était planifié avant tout le commencement du monde. Mais si ça avait resté là, ça n'aurait rien fait. Mais des milliers d'années plus tard, Dieu s'incarne, vient dans la personne de Jésus-Christ, puis il dit, je vais venir vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Je vais venir vous montrer qui je suis à travers ça. Quel grand Dieu nous avons. Quel grand Dieu nous avons. Les babines suivaient les bottines pour lui, en tout cas. Nous autres, des fois, on a de la misère, mais lui, quand il dit, il fait. Et on va prendre ce repas, puis on va juste se rappeler que ce que nous voyons ici dans la Perse, dans les éléments, dans cette histoire qu'on connaît par cœur, on voit ce que la Bible a dit des fois, le corps de Dieu, la pensée de Dieu, les rêves de Dieu, les ambitions de Dieu, les projets de Dieu. Ça se résume ici, là. Je vous ai montré pendant tout ça que Jésus a pu dire, si vous me voyez, vous voyez mon Père. C'est mon Père qui avait planifié tout ça, c'est mon Père qui avait organisé tout ça. Et il m'a envoyé pour vous montrer à quel point, comment il est saint, comment il est juste, comment est-ce qu'il est amour, comment est-ce qu'il est compatissant. Et je suis venu vous montrer ça, afin que vous, les petits mortels, vous puissiez voir. Parce que vous avez besoin de voir. Qu'ils avaient besoin de voir. On va passer les éléments. Je vais demander à Michel et à Gisèle s'ils veulent venir passer les éléments, s'il vous plaît. Donc, le Seigneur Jésus, la dernière fois qu'il était avec ses disciples, la dernière nuit, au repas pascal, il a pris du pain et il s'est mis à le déchirer en disant, c'est pas un agneau qui va être déchiré cette nuit, c'est moi. C'est moi qu'on va immoler, c'est moi qu'on va tuer, c'est moi qu'on va briser, c'est moi qu'on va faire souffrir. Et je le fais pour que vous ayez le pardon de vos péchés. Mangeons en sa mémoire. Ensuite, à la fin du repas, il a pris une coupe. Et ça ne vous rappellera plus maintenant l'agneau pascal de l'Égypte. Mais ça va vous rappeler que mon sang a coulé. Et à cause que mon sang a coulé, la colère de Dieu passe par-dessus vous. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Le Passover. La colère de Dieu va passer au-dessus de vous parce que vous êtes couverts par le sang de Jésus-Christ. Buvons en sa mémoire. Notre bon Père du ciel, qu'il est bon de s'arrêter et de se rappeler. Souviens-toi, François, souviens-toi. Prends le temps de t'arrêter et souviens-toi. Rappelle-toi. Mets tes activités de côté et arrête-toi et souviens-toi. À quel point? Que je t'ai aimé en Jésus-Christ. Souviens-toi. Tu as besoin de t'arrêter et t'en souvenir. C'est pour ça que je t'ai laissé le repas du Seigneur. Afin que tu t'arrêtes et que tu te souviennes. Te souviennes de ce que j'ai fait. Dans l'histoire, il y a 2000 ans, c'est un fait historique. Ma foi est basée là-dessus, Seigneur. Sur ta parole, sur les cinq lettres. Et chacun de tes enfants a expérimenté cette nouvelle vie, cette immortalité que tu as mis en nous, ce qu'on appelle la vie éternelle. Tu l'as mis dans tous ceux qui ont foi en ce que tu as accompli. Peux-tu, Seigneur Dieu, nous conduire dans la semaine qui vient et qu'on puisse dire peut-être avec un peu avec l'apôtre Paul, vous allez voir ma conduite, vous allez voir mes projets, vous allez voir ma foi, vous allez voir comment je vais vivre ce que j'ai entendu, comment je vais mettre en pratique ce que tu as dit. Ô Seigneur Dieu, donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux et qu'on puisse, Seigneur, méditer, prier, se laisser convaincre par ton esprit. Corrige-nous quand on a besoin d'être corrigé. Instruis-nous dans tout ce que nous devons faire pour toi en étant pendant que tu nous laisses ici-bas. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci François. Merci.